une réflexion comme ça. Il ne faut pas concevoir, je pense, cette réflexion sur la norme comme, ou sur le droit ou l'élaboration du droit comme, comme un substitut à l'action de mobilisation collective. Je pense que, et l'exemple en l'espèce, cette histoire de mastérisation montre bien qu'il y a un lien consubstantiel entre l'action collective et les ressorts juridiques qu'on peut mobiliser derrière. Nous ne serions pas dans cette situation, sur ce dossier-là, s'il n'y avait pas eu ces quantités d'analyses, et Fabrice soulignait à juste titre, ces quantités d'analyses, tous ces arguments qui n'avaient pas nécessairement une forme juridique, mais qui, disons, soulevait des points de droit fondamentalement qu'il fallait qu'un juriste remette en ordre, hein, pour pouvoir les présenter devant une juridiction. Toutes ces capacités d'analyse, toute la mobilisation permanente, tout ça a constitué une gêne considérable. Quand vous avez un gouvernement qui, grosso modo, pour faire les choses proprement, comme d'habitude, doit sortir ses arrêtés en décembre et qu'il les sort en réalité le 30 mai pour un concours qui s'ouvre le 1er juin, c'est qu'il a peur qu'il se passe quelque chose entre janvier et avril. Et pourquoi il a peur qu'il se passe quelque chose entre janvier et avril? Parce que ni les syndicats, ni les associations, ni un certain nombre de collectifs ne renoncent à la lutte. Et c'est ça la clé du truc. C'est que dans cet apparent tunnel du printemps 2010, en réalité, nous avons contraint le gouvernement à faire des fautes. Et nous pensons que ces fautes sont décisives et peuvent mettre un terme à la mastérisation. Ce n'est pas un substitut à la lutte. Hein. Il faut que les choses soient parfaitement claires. Et je pense que tous les syndicats qu'on avait contactés et la FCPE le voient très bien dans ce sens-là. C'est très important. Les deux se tiennent. Mais il est fondamental que, face à un gouvernement dont l'attitude, d'une manière générale, et Marie-Elisabeth Ducrot l'a rappelé, et de broyer le droit. Hein. Je ne parle même pas de l'évocation de l'avis du Conseil d'État sur la burqa. En gros, le Conseil d'État dit ce qu'il veut, de toute façon, je m'assieds dessus, et puis c'est réglé. Il broie le droit. Oui, c'est le Conseil constitutionnel. Il broie le droit. Nous devons faire valoir le droit. Un jour viendra où la justice administrative de ce pays renverra en pleine gueule, je suis désolé d'être trivial, renverra en pleine gueule toutes les avanies qu'elle a subies de la part de ce gouvernement. Si c'est sur la réforme de la formation des enseignants, ça valait la peine de marcher même à 3000 en plein mois de février.